Ma vie sans Lila. Les jours suivants, je m'égare. Je ne me rase plus, je ne fais plus la vaisselle. Je mange quand j'y pense, je ne nettoie pas le poulailler. Et d'ailleurs, les poules sont maintenant dans la salle à manger. Elles montent sur la table, laissent des plumes un peu partout, font leurs besoins là où ça leur plaît. Gérardo, le coq, chante quand il en a besoin ou envie. Le matin, parfois, il me crie dans les oreilles. Je le trouve alors perché sur la table de nuit comme un réveil à crête. J'essaie de traduire mon malaise dans le roc, mais je ne réussis qu'à casser des bouts de marbre. Je lance des bofs, à tout vent, rien ne m'atteint. Je ne peux me formaliser pour aucune des choses qui m'auraient perturbé fortement en temps normal. J'en arrive même à me poser des questions sur le mot normal, moi pour qui la normalité était d'une évidence limpide. Je vais dans le parc à vélo. Et j'ai envie de tout bazarder dans le lieu étrange, les 84 bicyclettes l'une après l'autre, ma maison, moi. Barbu, hirsute, je piétine mes courgettes qui souffrent de tant de désinvolture et de soif. J'attends que la mort me cueille, mais cela ne marche pas comme ça. Je le savais déjà. Un matin, je me lève de bonne humeur, sans trop savoir pourquoi. Mon esprit, chose étrange, fonctionne à 100 à l'heure. J'ai une idée. Ce qui tombe plutôt bien, car aujourd'hui on est le troisième jour de la semaine. Je verrai donc Aimée ce soir. Je note sur un bout de papier la liste du matériel dont j'ai besoin, je la mets dans ma poche, je me poste à la fenêtre. J'observe la rotation de la Terre. Je tourne en silence avec elle toute la journée. Quand elle commence à snober le soleil, je m'échauffe. Lorsque le noir est enfin dense, je grimpe sur mon vélo et je fonce à la rencontre d'Aimée. Je n'ai jamais fait le voyage aussi rapidement. J'ai pris ma bicyclette la plus en forme et je maltraite son pédalier, survolté, tout heureux d'être entier, ressoudé grâce aux bienfaits de la médecine. Les pneus de mon vélo fument, la chaîne chauffe à blanc quand je déboule devant la roue qui file. Je serre chaleureusement la main à un Aimée qui s'inquiète de mon aspect négligé. Je lui explique ma situation, il me plaint, mais je lui assure que ça va aujourd'hui, ça va. Je lui expose mon idée en lui demandant s'il pourrait exceptionnellement ouvrir pour moi demain soir et me procurer d'ici là tout ce dont j'ai besoin. Les coins de sa moustache se relèvent. Il me traite d'original en se disant enchanté de pouvoir me rendre ce service. Il est heureux que je réagisse comme ça, même si mon projet lui paraît tout à fait milochesque, selon ses termes. Je le remercie avec effusion, puis je repars aussi vite que je suis venu, surprenant la bicyclette qui n'a pas eu le temps de prendre du repos. J'arrive à la maison en sueur, et pour la première fois depuis des jours, je me douche, je me rase, je lis un peu, je me couche. Le moral est revenu, pour l'instant. Le lendemain, je me lève très tôt. Après avoir remis les poules dans l'enclos, nettoyé, récolté les œufs oubliés et rempli un gros panier de légumes d'hiver, j'arrime ma récolte sur mon porte-bagages et, comme la veille, j'attends la nuit. Je réfléchis à ma place dans l'univers. Je me vois comme un pou de poils de cuisses de bactéries. Et encore, je me trouve prétentieux. J'ouvre mon petit livre rouge pour lire quelques pensées d'Épictète, que je digère en dissertant intérieurement. J'aime l'idée selon laquelle celui qui pourrait me blesser le fait car il croit avoir raison. Quand j'ai suffisamment tourné autour de mon axe, en accord avec mes 7 milliards moins un de congénères, j'y pense tout le temps. J'ai peur de devoir un jour partager ma solitude avec deux familles de Chinois, d'Indiens ou d'autres habitants des pays surpeuplés. Quand j'ai suffisamment tourné autour de mon axe, donc, je prends mon élan et saute sur ma selle. Le vélo, après une ruade que je négocie parfaitement, fend la nuit au galop sur fond de lune, jusqu'au magasin d'Aimée, illuminé de mille feux pour moi. Mon papa adoptif a bien sûr tout trouvé. C'est une perle, je vous dis. Je lui offre en échange la totalité de ma récolte d'œufs et de légumes, ainsi qu'un joli petit marbre que je m'étais gardé pour moi. Il me dit que c'est trop, je lui dis que ce n'est pas assez, il refuse, j'insiste, nous nous faisons des politesses à la française quelque temps, puis j'arrime le matériel sur mon porte-bagages. Ainsi chargé, je ressemble à un chercheur d'or en route vers le Klondike. Nous discutons encore un peu, Aimée secoue la tête de droite à gauche en souriant, tandis que je l'imite dans un axe vertical. attendu qu'elle a ouvert spécialement pour moi un jour inhabituel, je ne veux pas l'accaparer plus longtemps. Je le salue alors, j'enfourche à nouveau ma bicyclette qui hennit et me conduit à la maison. Au travail, Miloche! Je crache dans mes mains, je fais quelques pompes, une vingtaine de tractions, j'inspire un bon coup. Il serait l'heure de dormir et l'idée m'effleure sans me toucher. Je n'en éprouve pas la moindre envie. L'adrénaline me tient en éveil, l'excitation me pousse à l'action. Je me mets à l'œuvre et plante ma pioche dans la terre-mère. Soufflant comme une locomotive, frappant comme une machine-outil, je poursuis mon travail sans fatigue. Je compense les tonnes de sueur que je perds par les hectolitres d'eau que j'ingurgite. Je progresse, je pioche, je pèle, j'excave sans faillir. Les aboiements exaspérés des chiens des voisins me tiennent compagnie jusqu'aux premières lueurs du matin. Je m'endors là où je suis, atteint de plein fouet par un épuisement que je n'ai pas vu venir. Je suis sale, suant, bête humaine aux mains écorchées, aux muscles durs. Je m'enveloppe dans une couverture de terre pour goûter un repos bien mérité. Mes rêves sont faits d'une matière étrange, comme à leur habitude. Je me souviens parfaitement du dernier de la nuit, éveillé en plein milieu de l'histoire, au sortir d'un sommeil agité. Je meurs d'envie de vous le raconter. À la faible lueur du jour qui m'arrive de loin à présent, je reprends mes outils, poursuivant avec une énergie farouche mon travail de la nuit. Je n'entends bientôt plus les chiens, mes oreilles perçoivent seulement quelques coups sourds au-dessus, des ruissellements occasionnels, des gratouillements, tout un éventail de bruits. Je suis dans mon cocon, l'exercice me fait du bien, j'ai l'impression de nager dans un ventre. Je m'enfonce progressivement à l'intérieur de mon crâne, voyage dans mon corps. J'ai en définitive l'étrange impression de ne plus être à l'extérieur de rien. Je pénètre enfin au cœur des choses, dans le vif du sujet. Je poursuis ma progression dans une méditation que rien ne peut troubler. J'avance sans plus rien percevoir du monde, à l'abri dans ma bulle de concentration, frappant sans cesse le sourire aux lèvres, la sueur au front. Je suis à moi tout seul une révolution industrielle, une allégorie de la glorification du travail physique, une statue monumentale de marbre qui se meut sans connaître de trêve.